lycée. Allô, c'est Il est 20h. From Hell, vous écoutez Riff d'Enfer sur Arcousset 95 FM. Eh ben, bien le bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Sylval. Eh bien, bonsoir Monsieur Scream. Attends, je regarde si c'est le bon micro, vas-y. Bonsoir Monsieur Scream. Ah. En forme? Oui, écoute, très en forme. Voilà. Ah. Eh ben, bon week-end. Bah écoute, j'ai passé un super bon week-end. Bah, je suis sortie samedi. Oh, le... hein. alors le vent m'a apporté le Ch'ti Rock Festival. Oui. Comme je t'en avais discuté lundi dernier. Mais écoute, je me suis bien marrée encore une fois que les copains, les copines. Bon, des découvertes de groupes, des bons groupes. Et puis ben, la surprise du tremplin. J'espère que c'est bien ça, que j'ai bien compris. C'est y aura 4 groupes qui seront sélectionnés pour le Rhinefest. 4 groupes. 4. Eh ben, c'est bien ça. C'est bien. Justement, j'en profite parce que tu as été voir les Headblasters, hein, c'est ça les... Oui, c'était bien, écoute. Ouais. Et puis, c'était sympa parce que ben, j'ai pu papoter avec plusieurs des membres. Écoute, ils sont tous sympas. Bon, on finit avec, ils sont tous gentils. Et petite anecdote, c'est marrant, parce que tu m'avais envoyé une vidéo du concert qui a une quinzaine de jours, et j'ai vu un gosse sur scène, et je me suis dit, ben, oui. C'est un gosse... que j'ai déjà vu, et c'est un gosse que je vois et que je bosse avec lui, qui est monté sur scène, et son papa est très très copain avec les Headblasters, voilà. Ah ouais, d'accord. Et alors je lui dis, ben voilà, je te ferai un petit coucou à Louis, qui est monté sur la première fois sur scène aussi. Ah ben il était peut-être encore là ce week-end. Non, il n'était pas là ce week-end, il m'a dit, mais il y va le 25, je crois, il y a encore un concert. Oui, le 25, c'est à Valenciennes, au Liverpool. J'ai tous les dates par cœur. C'est les dates par cœur, c'est incroyable. Je te dis, moi, je vais finir un petit 4. Je sais pas comment ça se passe. C'est ça. J'aimerais bien faire un petit. Tourneur. Ouais, manager, un truc comme ça. Mm-hmm. Ça me plairait bien. Voilà. Manager à deux balles, hein, comme je dis toujours, parce que bon, c'est des petits groupes. On peut pas demander. On peut pas dire que c'est des petits groupes. Là, je suis pas d'accord avec toi. La thune à mort, quoi. Mais c'est des groupes. Ouais, c'est des groupes. Mais bon, je dis petit pour pas comparaître avec WAPS. Ah ouais. Valérie, Ozzy, tout ça, là j'aimerais bien. Ozzy, oui. Dis-y, tu t'arrêtes plus alors. Je peux faire tourneur Ozzy, Sixayam, même Tommy Lee. Hein. J'aime Tommy bien moi, ouais. Tommy Lee. Alors on va se retrouver donc pour 2 heures d'émission. Aujourd'hui, ben, beaucoup de nouveautés. Il y aura aussi tes choix de song. Ok. Ta Sylval song aussi. Tout à fait. Et le slasher qui n'est pas là, qui nous écoute et qu'on lui fait un petit coucou. Hein. Slasher, on est manquer, là. Lui, hein. On est là, slasher. Il nous a préparé ça. Slasher song. Allez, on démarre tout de suite avec All Else Fall, extrait de l'album The Forever Light, Beneath the Rave. We'll be right back. véritable tuerie quand même, hein. All Else Fail, Binet, The Wave, et l'album s'appelle The Forever Lied. Alors, bien, hein? Ouais, non, si, c'est bien, ça, c'est bien. Ça bouge bien. J'aime bien parce que c'est criard, mais en même temps, à un moment donné, il y a une voix mélodieuse qui arrive par-dessus et j'aime bien ça, quoi. Voilà, c'est bien. Exactement. Voilà. Alors, on fait un petit coucou à tout le monde, voilà, tout le monde commence à arriver, c'est bien. Coucou Linda. On peut pas tous vous répondre d'un coup, nous ne sommes pas des pieuvres, nous n'avons pas d'énormes tentacules. Coucou Linda, coucou Laurence. Coucou tout le monde, coucou Vaken, coucou parce qu'il Thierry. Dit chalut, chalut, voilà. Coucou Raphaël. Et il a peut-être mis ses. Il a peut-être mis ses. Coucoulou. Coucoulou, coucou. Il a peut-être mis aussi cet ongle, on ne sait pas. Allez, on poursuit avec Crimson Dawn. L'album s'appelle Chronicle of and Undead Hunter et c'est Checkmate in Raid. We'll be right back. C'est pas mal du tout, c'est Crimson Dawn avec Checkmate in Red et c'est l'album Chronicle of Undead, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, cher Sylval, oui, tu oui. nous as choisi quoi comme première song? Alors, écoute, moi, j'ai mis comme song Danko Jones. Donc, c'est un groupe hyper connu, 13 albums. Et oui, quand même, déjà. Hein. Groupe origine du Canada, ville Toronto. Ça doit être pas mal, Toronto, quand même. Il y a les caribous et tout. Ouais, non, ça doit être bien. Franchement, ouais. ça doit être bien. Et je t'ai mis en titre My Little. My Little. Danko Jones qui va bientôt commencer sa tournée, je crois. Oui, donc il passe au Grass Pop, il me semble. Mm-hmm. Et je pense qu'il passe au Betty's Fest, c'est ça? Je me demande si c'est pas au Betty's Fest. On vous confirmera ça tout à l'heure. Je me demande si c'est pas à Tagada. Oui, je crois que c'est au Betty's Fest, je crois. Il me semble. Il me semble aussi. On a un petit trou de mémoire, vous savez, c'est le lundi et on a dû se lever tôt pour aller travailler. C'est ouais, voilà, c'est peut-être ça, je ne sais plus. Enfin, je vais regarder voilà. si tu veux. Ouais. Alors, enfin, c'est sûr qu'il y a au Grass Pop. Voilà, ça, je l'ai vu. Danko Jones, c'est tout de suite, donc ouais. avec ton titre. Donc, My Little. Ouais, et l'album qui doit arriver s'appelle tout simplement Wildcat. Voilà. voilà. Allez, c'est parti. So good when you get out of bed, you're always ready to go. I caught you looking like a million bucks when you walked out the door. You got something they call attitude, tripping all over the floor. Nobody says nothing, they just make their assumptions, and now you got them on all fours. Just need my fix, that sticks. Can't give my girl the best, 'cause all I gotta say to you. Alors, c'était le groupe Dango Jones, donc avec le titre My Little. La petite Little, My Little. Et oui, alors on en profite pour faire un petit coucou au slasher qui nous regarde là. Oh, coucou slasher. Tu nous manques. Ouais, voilà, on en manque. Voilà. Et je fais un petit coucou aussi à tous mes potos qui me regardent de Herstal, d'où j'ai commencé la radio. Voilà. Donc, oui. Voilà. Donc je fais un petit coucou à Marco et tout ça, donc qui est musicos aussi, et voilà, qui a même joué dans mon groupe à l'époque, dans notre groupe. Voilà. Alors ça remonte loin. Alors, ça remonte très loin. Quand j'étais jeune, beau et fort, donc ça remonte vraiment très loin. Allez, le prochain, c'est vraiment la claque de la claque, l'album, enfin le best of sur le 10 du 3. Donc c'est pas tellement loin, c'est dans 11 jours. Le groupe s'appelle Chicken Foot. Pour ceux qui ne connaissent pas Chicken Foot, ils ont quand même fait 3 albums studio. Mmh. Et aussi un best-of, et là sort un best-of suivi d'un CD live, donc un double CD. Chicken Foot, c'est qui? C'est 4 mecs, inconnus pour la plage métal peut-être, Chab Miss peut-être, bon ce n'est que le batteur de Red Hot Chili Peppers, hein. Sammy Hagar, ce n'est autre que Mon Rose ou alors Van Halen, ex-Van Halen, Mike Anthony, bassiste de Van Halen, et... rien qu'un petit guitariste, Joe Satriani. Voilà. Je ne connais pas. Moi. Non, on ne les connaît pas. Hein. C'est Chicken Foot. Bon, la pochette, je vais essayer de vous la montrer. Elle est là, comme ça. Mais bon, c'est une pochette promo, donc on ne voit pratiquement rien. Hein. On, bah, si tu veux, je peux la on voit les, on voit les quatre. Et on reconnaît bien Aguiar, on reconnaît bien Mike Anthony. C'est vraiment une claque. Ça joue très, très, très bien. On sent un petit peu la touche aussi un peu Satriani hein, sur le bord, et on se dirait même des fois qu'il y a même un peu du Steve Vai à côté. Il faut savoir que Satriani, c'est le professeur de Vai qui maintenant a dépassé l'élève. On s'en reconnaît toujours. Hein, moi, je trouve, personnellement, je trouve. Maintenant, ça va faire de goût, mais je trouve. Voilà, alors on va s'écouter le titre Bigfoot, et vous m'en direz ce que vous en pensez, mais c'est une claque, les amis, c'est une grosse claque. Right. Got to it all. Voilà, donc c'est les Chicken Foot. Franchement, ouais, il est monstrueux. Franchement, c'est bien ça. Il est monstrueux, ouais. Et c'était Bigfoot le titre. Voilà. Donc l'album est sorti ou pas? Non, il sort le 10. D'accord. Le 10 du 3, donc voilà, incessamment sous peu, quoi, mais c'est une véritable tuerie. C'est un double album, donc c'est un best-of, et le deuxième, c'est un CD live. Donc, voilà, donc, okay. Mais c'est dans le même acabit, quoi, c'est la claque, quoi. Et puis bon, on connaît Satriani pour ses talents de gratteux, donc ouais, voilà. Ouais. Voilà, alors on poursuit, et il est l'heure de passer la slasher song. Et le slasher, ben, il a dit, ben, je vais, moi, comme maintenant, je sais qu'on nous regarde de partout, j'ai envie aussi de faire connaître un groupe liégeois. Ah, ça, c'est sympa. Et j'ai envie aussi de faire écouter quelque chose que mon papa m'a fait découvrir. Ah, ça siffle déjà. Et voilà, donc j'ai envie de vous faire découvrir un groupe que j'étais même pas encore né. Et mon papa était tout jeune. Et il a choisi tout simplement Machiavel avec Fly. Voilà, et donc je fais un petit coucou avec les membres de Machiavel et qui nous écoutent sûrement. Enfin, une partie des membres, c'est sûr. Et le slasher qui nous écoute, malgré s'il n'est pas là. On va s'écouter Fly, on se retrouve tout de suite après. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, c'est le slasher sur RQC 95 FM sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma slasher song. Fly, wanna fly. It's been a long time I'm waiting for you at night. Ben encore un bon choix du slasher quand même. Hein. Oh ouais, ça nous a fait bien bouger ça. Ah ouais, Fly, oh là là. Bien connu hein, comme titre. Machiavel, oui. Hein. Ouais. Eh oui, ben bon choix le slasher. Le prochain, ben, j'en profite aussi pour faire un petit coucou à notre amie Sofiane. Ah oui, salut Sofiane. Salut Sofiane, qui avait fait un très beau reportage ailleurs sur sur le Hellfest et il avait fait participer Rive d'Enfer. Encore une fois, merci mon ami. On espère te revoir au Hellfest cette année. Voilà, mais ça on en reparlera hors antenne ou en message privé. Alors. Voilà. Artemis, c'est nouveau, c'est tout frais. L'album s'appelle Blood Fury Domination. Et on va s'écouter Black Sun. Et on se retrouve tout de suite après avec un autre titre de Sylvain. Yes. Une claque, ce groupe aussi, Artemis, hein, quand même, avec Black Sun. J'aime bien, parce que c'est un peu un fond un peu indus, un petit peu sur exactement, le fond. Exactement, si c'est vrai. Et c'est pas mal. Il n'y a pas trop, ils n'en font pas trop, et je trouve que c'est vraiment bien. Voilà. Alors, le prochain que tu nous as choisi, c'est quoi? Alors, c'est Junkyard Drive, oui. Avec le titre Natural Height. Donc, c'est un nouveau groupe qui vient du Danemark. Eh bien, il y a beaucoup, hein, comme je disais, il y a beaucoup de ce côté-là quand même. Exactement. Les pays nordiques, ils sont baignés là-dedans. Hein. C'est, je le répète encore une fois. Chez les Vikings, c'est très, très, très à la mode. Oui, Ils sont en avance, quoi. On peut dire ça, que c'est une... même des cours c'est au dans niveau leur culture. De l'école. Ouais, c'est ça, c'est ce que le chanteur de Poodle, quand on a fait l'interview, nous le disait, quand on lui a posé la question, mais qu'est-ce qui fait la force des groupes du Nord ? Eh bien déjà, en maternelle, on leur apprend déjà à toucher des instruments. Et puis, comme il nous a dit en rigolant, dans nos pays, il fait vite noir, il fait vite froid, donc les jeunes, ils se retrouvent soit dans les pubs, soit dans leur garage en train de faire de la musique, ou soit de baiser. Exactement. Voilà. Donc, mais je veux dire, voilà, ils se retrouvent directement en train de faire de la musique. Et puis, il y a une culture aussi. Il faut savoir aussi que, je me demande si ce n'est pas en Finlande maintenant que l'université a même reconnu le cours de musique métal. Oui. Voilà. Donc, ça serait peut-être bien d'y penser ici aussi. Finlande et Suède. Voilà. Ça serait peut-être bien d'y penser ici aussi. Exactement. Voilà, parce que bon, c'est vrai, moi j'ai rien contre la musique, j'aime tout comme musique, hein, je le dis bien, j'aime aussi bien de la soul, la R&B et tout, mais c'est vrai que quand on voit des écoles de musique, généralement, on a le solfège, le classique, et quand on veut approcher un petit peu du métal, on n'a pas les profs qui ont le même niveau non plus, c'est peut-être pas évident. Ici, après, ça dépend aussi sur quel prof tu tombes. Bon, c'est sûr que c'est rare. C'est très rare. Mais bon, moi, je me souviens que j'avais pu avoir des cours de batterie. Waouh, je te vois déjà la batterie. Bah écoute, je tapais bien. Oh bah oui, j'ai des coupures, regardez. Non, je rigole. Non, mais je tapais bien. Moi, il m'avait conseillé de faire des cours de batterie. Mais bon, chez moi, c'était pas possible. Bah, ça donc, fait voilà, du bruit aussi. L'histoire était close. Mais sinon, il m'avait conseillé de faire des cours de batterie. Qui sait, t'aurais peut-être remplacé Tomini. Ah, j'aurais peut-être été associée avec Tommy Lee. Ah, ou pourquoi pas. Allez, donc... Que j'ai raté ma carrière. T'as raté ta carrière. Mais non, tu es ici à RQC 95 FM. Voilà. Allez, on va s'écouter ton titre, donc c'est... Alors, tu m'as fait perdre l'histoire, là, dans... avec Tommy Lee, je suis troublée. Alors, c'est Junkyard Drive, oui. Avec le titre Natural High. C'est parti. Oh, yeah. it's your time to shine, if you know what I mean. 'Cause I want more, yes I want more, I want more. When you look at me that way, it makes me insane. So come let me in, 'cause tonight is the rise out to sin. Rise out to sin. C'était Junkyard Drive, ouais, avec le titre Natural Height. La bonne claque, quand même. Oh, si, c'est bon, bluesy. Hein, c'est beau, hein. Et pour une fois qu'il y en a qui ne dit pas de conneries, hein, toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. C'était Johnny, mais c'est vrai que ça le vient blues, du blues, ça, la naissance. Hein. Ça a ouvert les portes du hard rock, hein, ouais, de toute façon. Tout à fait. Ça vient du blues, hein, c'est ouais, qu'à te le dire. Tout ce qui est solo, généralement, ouais, c'est des gammes pentatoniques ou quoi, qui descendent de blues et tout ça. Tout à fait, hein. Et oui, voilà. Donc, moi, j'aime bien ce genre de choses. Ouais, moi aussi. Tu te vois déjà avec une, un verre en train d'écouter ça. Voilà. Alors, le prochain qu'on va s'écouter, ça s'appelle le Tearing. L'album s'appelle Wall Again. Et on va s'écouter Your and Mine. C'est tout de suite, c'est maintenant. Mais avant ça, allez, un petit message d'un bon petit guitariste. Hi, this is Uli John Roth. You're listening to Rive d'Enfer at 95 FM. We'll be right back. un morceau un peu plus calme quand même, Tearing, avec Your Enemy, avec extrait de l'album Wall Against. Mais j'aime bien aussi la partie un peu guitare, un peu clavier comme ça, qui se fait une atmosphère un peu plus cool. Ça fait du bien quand même, de temps en temps, petite oreille. Alors le prochain, c'est Anthologie, avec le titre Again the Wine. L'album s'appelle Angel's Revenge. La pochette a été mise sur la page Rive d'Enfer il y a quelques temps, mais franchement, le titre, il est vraiment, vraiment super bien. Et après, on se retrouve. D'accord. Alors, on nous a demandé où est le slasher. Le slasher, il n'est pas là, il y a une semaine sur deux, les amis. Voilà, voilà, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Voilà, donc juste à l'instant, c'était Anthologie avec Against the Wind. Franchement, une bonne petite tuerie. Hein. Ouais, exactement. Ça bouge bien. Ça bouge bien. Ouais, ça, j'aime bien. On a envie de bouger comme ça. Voilà, donc j'en profite aussi pour. Normalement, l'équipe Rive d'Enfer sera au Bêtise Fest. Voilà. Normalement, oui. Voilà, normalement. Si tout se passe bien, nous serons là au Bêtise Fest. Voilà. Toi, tu feras connaissance peut-être avec le petit groupe. Enfin, le petit groupe, je dis toujours le petit groupe, le groupe que. Et de Blaster. Que je t'ai proposé. Mmh. Et je referai connaissance avec Spider-Man. Et Ah oui, il y a ta copine aux cheveux bleus. Ma qui copine est là. Aux cheveux bleus. Ah oui, mais qui. En plus, ils jouent le même jour. Ils jouent le même jour. Ouais, donc, que ta copine. Qui est ma copine qui mais est bon. Arkenemy, hein, les amis. De se faufiler dans les coulisses. Sauf que je me fasse arracher le bras comme la fois dernière. Et avoir notre interview. Voilà. Bon. Tu te souviens de cette photo? Oh, je me souviens. Si vous m'avez déjà vu, j'ai quand même deux yeux, mais sur cette photo, j'en avais 8. Je sais. Voilà. Et elle avait les cheveux jaunes. Les cheveux jaunes, voilà. Merci, manager, qui n'a pas voulu nous laisser tirer la photo. Enfin, que voulez-vous? C'est la vie, une péripétie inoubliable, d'ailleurs. Et des parties de rigolade avec le slasher et Sylval, inoubliable. On devrait écrire un livre un jour. Hein. Écoute, oui, parce que nous en est déjà arrivé en interview. En interview. Mais c'était vraiment phénoménal. Ouais, on en a vu et on espère encore en voir parce que ça a toujours été des. Même si des fois on râle sur le moment même, après on repense et on rigole, quoi. Et on rigole, quoi. Voilà, comme j'ai pas mal, quoi. Voilà. Ouais, ou l'anecdote avec Zach Wild, quand même, ça valait 1000. Ça valait le coup aussi, quoi. Enfin, bon, on va pas trop. Parce que si on écrit un livre, si on raconte tout, ils vont jamais acheter notre livre, enfin. Voilà. Mais voilà. Mais voilà, c'est une bonne idée, là, qu'on vient d'avoir. Allez, le prochain, c'est Chronosphère. L'album s'appelle Red and Roll. Et on va s'écouter Be the Best. Et peut-être que la deuxième, on fera peut-être un concours. Là, j'ai envie de faire gagner un CD, voilà. Pourquoi pas ? Allez, Chronosphère, c'est parti. Chronosphère avec Be the Best, pardon. Ça déboîte pas mal. Juste avant de retrouver la balade crapuleuse, on va s'écouter Animators avec No Consequences. Et l'album s'appelle The Venom Within. Et après, ce sera la balade crapuleuse. Tout voilà. À fait. Allez, c'est parti les amis. Je vous avais dit deux petites chansons un peu énervées. Et puis après, on se retrouve tout de suite pour la balade crapuleuse. Blessing, you're simply winning teeth and non-stop pacing. A passion. Venom Within, c'était Animators avec Non Consequences. Je vous avais dit à deux petites énervées, maintenant il est l'heure de reposer nos oreilles. Et j'ai choisi une ballade d'un groupe, malheureusement, que je n'ai jamais eu l'occasion de voir sur scène, ce groupe-là ensemble. Voilà, ce groupe-là ensemble. J'ai eu l'occasion de voir le bassiste tout seul, sur une... enfin tout seul en concert. Et j'ai eu l'occasion de voir le guitariste sur une tournée tout seul, mais pas le groupe que je vais nommer, qui s'appelle tout simplement Mr. Big. Ah oui. Voilà, qui cartonne à mort au Japon et ils veulent pas, enfin ils tournent pratiquement pas par ici en Europe et c'est bien bien dommage. Bah oui, je sais pas pourquoi. Donc Paul Gilbert, j'ai eu l'occasion de le voir sur scène. Ce qui est marrant, c'est qu'il joue toujours avec toujours des gros casques comme ça, on dirait cosmonaute. Et Billy Sheehan avec Monsieur Steve Vai. Voilà. Ouais. Donc, mais le groupe Mr. Big eux-mêmes avec Eric Martin et tout quoi, j'ai jamais eu l'occasion de les voir et c'est bien bien dommage. Et là, on va s'écouter leur tube vraiment que tout le monde doit connaître. Sinon, ils ont habité sur Mars. S'ils n'ont pas connu la chanson To Be With You, voilà. Et c'est extrait de l'album Lay Into It. C'est parti. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby. Come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next to be with you. Build up your confidence. Be on top for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. The game of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold. Très belle balade quand même. Hein. Ça ne nous rajeunit pas, comme on dit. C'était les Mr. Big avec To Be With You. Voilà. Oui. Alors maintenant, on va un peu se réveiller. Hein, Sylvain, avec encore un de tes choix. Hein. Oui, alors moi je vais vous présenter One Desire avec le titre Heart. Mmh. J'espère que ce ne sera pas ça son premier désir. Non, je sais. Non, je ne pense pas, hein, mais ouais. Bon. Donc c'est One Desire est un groupe mélodique rock de Finlande. Encore une fois, hein, oui, là-bas. Hein, tout à fait. Où il y a des beaux aurores boréales. Oui. Ça doit être beau à voir, ça. En écoutant un peu du rock mélodique, ça doit être bien. Là. Tu es à ta fenêtre, en train de siroter quelque chose, parce que dehors, on doit geler là pour le moment. Hein. Bah oui, comme maintenant, oui, il y a de la neige et tout. Ouais, mais je veux dire, tu vois à la fenêtre, et des aurores boréales et t'écoutes là. Avec ça les chiens traîneaux qui font ouais, le loup, qui s'aboient. Ouais. Ou tu fais le couillou, le caribou, mais ça, c'est encore autre chose. Quoi. Allez, vas-y, laisse annoncer ton titre. Alors, c'est le groupe One Desire avec le titre Heart. We'll be right back. Ben là, tu m'as mis encore une claque. Hein. Ouais, c'est bien. Hein. C'est vraiment bien. Et voilà. Et c'était ? Donc, c'était One Desire avec le titre Heart. Donc, c'est un groupe mélodic rock finlandais. Voilà. Ben, si vous aimez, ben voilà, Heart, retenez bien ce groupe. Hein, ce ouais, donc groupe. Le groupe, c'est One Desire. Hein. Voilà. Et la chanson s'intitule Heart, le single. Là. Ouh, je m'améliore. Voilà. Forevermore. Allez, le prochain, c'est Heaven's Guardian. Le titre qu'on va s'écouter, c'est Time. Et l'album s'appelle tout simplement Sign. On va s'écouter ceci et on se retrouve tout de suite après, les amis. Voilà, c'est pas mal du tout. Ça s'appelle Heaven Guardian Eggtime. Je vous l'avais dit, hein, je te l'avais dit aussi, c'est vraiment, vraiment ouais, c'est bien foutu. Ça bouge bien aussi, ça. Ça bouge très, très bien. Enfin, coucou. On ne vous a pas oublié, les amis. C'est parce que là, on est occupé. Il y a Rammstein dans l'air. Mais non, on ne va pas vous jouer du Rammstein. Mais du Rammstein. Ah, si, si, on va jouer du Rammstein. D'accord. Voilà, on s'est sûrement la Sylvain Song. Alors, le prochain, on va s'écouter quelque chose d'un peu psyché, mais j'aime vraiment bien. Le groupe s'appelle My Sleeping Karma. On a tous un karma. Hein. Il est peut-être bon, il est peut-être mauvais, on n'en sait rien. Et on va s'écouter le titre Enigma. L'album s'appelle Mela Amanda. C'est l'extrait d'un album live. Et on se retrouve tout de suite après, les amis, pour la Sylvain Song, peut-être. Voilà, pour la Sylvain Song. Thank you. Voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est très spécial, mais ouais. C'est un peu psyché, mais j'aime vraiment bien. C'est My Sleeping Karma. L'album s'appelle Mela Amanda. C'est un live, comme vous pouvez l'entendre. Hein. Franchement, c'est des genres de choses que j'aime vraiment bien, car c'est instrumental. Et on plane un petit peu comme ça. Et des fois, ça fait un peu du bien, c'est reposant. Voilà. Alors, il est l'heure de retrouver la Syl Valsang. Il est l'heure, monseigneur. Voilà, et vous vous demandiez pourquoi on est en train de trifouiller sur un ordinateur comme ça. Ben, parce que vous savez que Sylval est fan de Rammstein. Voilà. Rammstein, voilà. Ouais, j'adore Rammstein. Voilà. J'adore les membres de Rammstein, je les aime tous. Et donc, voilà, elle a réservé sa place pour aller voir Rammstein à Douai. Enfin, pas Rammstein. Le film de Rammstein, mais pourquoi Douai ? Parce qu'il y a... Bah parce que y a une première partie, si je peux dire ça comme ça, ça sera le groupe Head Blaster, donc le 23 mars à 20h à Douai, au cinéma de Douai. Donc si vous êtes intéressé, le tarif il est de 20 euros. Il y a un sandwich et une boisson, et puis vous pourrez rencontrer les membres, pas de Rammstein, mais de Head Blaster, acheter le EP, et pourquoi pas un t-shirt éventuellement. Voilà, et donc après vous regardez votre film. Et après il y a le film Rammstein, film concert. Hein. C'est ça, c'est un film concert, oui. Tout à fait. Hein, je crois que ça a été filmé à Bercy, si mes souvenirs sont bons. Ouais, Paris. Paris. Voilà. Alors tu es voilà, on va passer à ta Syl Valsang. Hein. Tout à fait. Donc j'ai choisi Rammstein fatalement avec le titre Mainland. Voilà et donc ton coup de cœur, ce serait que tu aimerais bien de les voir tourner individuellement, je veux dire pas en festival, mais dans une grande salle voilà. Mais bon, peut-être c'est que ça va. J'aimerais bien de les rencontrer aussi ou n'importe quel membre. Moi, j'ai une préférence pour Till Lindemann, c'est sûr, parce qu'il y a un caractère très spécial. Et comme tout le monde sait, j'aime bien les caractères très spéciaux. Et les dingos. Donc lui, je crois que c'est, pour être dingo, je vais avoir ma tasse de thé. Mm-hmm. Mais sinon, je suis tout à fait d'accord d'avoir une interview avec Flack ou Chris. J'aime bien aussi le batteur. J'adore le batteur. Mm-hmm. Ouais. Batteur, Richard, Paul. On va croiser les doigts, on ne sait jamais, hein. Voilà. On ne sait jamais, hein. On n'est pas difficile. On n'est pas difficile. N'importe quel membre. Voilà. Tant qu'il est un membre. Voilà. Non, ça suffit, toi. Un des membres, je veux dire. Voilà. Tant qu'il est un membre. Bah oui, ben voilà. On voit, parce qu'après, ça a été encore une fois mal interprété, voilà. Là. Mais Eric. Bon, oui, je sais. Là, monsieur Slasher, je vais avoir la réputation qu'en coulisses, je touche un certain membre. Et non, pas du tout. Je peux vous dire qu'on se tient très, très correctement. On est sage. Hein. On est très, très sage. Même des fois, peut-être trop sage, peut-être même. Voilà. Mm. Voilà. Allez, je te laisse annoncer ton titre. Alors, c'est Rammstein avec le titre Mainland. Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Syl Valsang. Ich geh mit mir auf Et voilà, donc c'était Rammstein avec le titre Mailand. Donc mon gros coup de cœur, Rammstein, j'aime bien Rammstein de toute façon. Voilà. Il n'y a pas longtemps que j'aime bien Rammstein. Depuis que je te connais quand même. Bah, on va dire, c'est un de mes amis hein, qui m'a poussé à écouter du Rammstein, parce que j'aimais pas du tout. Moi. Ouais. Mais c'est de l'indus. Voilà, il faut... ouais, et à force d'écouter, bah, c'est sûr que je me suis intéressée aux personnages, aux chansons que j'ai quasi traduites. Mm-hmm. Et elles n'ont rien à voir en général avec le clip, c'est ça qui est marrant. Bah, c'est comme peut-être Mailand, là c'est l'histoire de son pays. Et que comme ils sont de RDA, ben, c'était pas évident, l'Allemagne de la RDA, quoi. Ils étaient pas libres, rien, quoi. C'est ça, l'histoire de Mailand. Mmh. Ouais. Mais je veux dire, c'est marrant parce que des fois, ils font des clips, j'ai beaucoup de mots maintenant, ils font des clips comme ça pour dire, d'être vendeur, il faut dire la vérité, hein, mmh. ça vend. Enfin, peut-être que lui, il voit le rapprochement. Peut-être que lui, dans sa tête, peut-être. Hein, qu'il dirait, voilà, le rapprochement. Parce qu'à mon peut-être avis... que le rapprochement, c'est la plage. Avec les filles en bikini, tout ça, ouais. Et que là-bas, c'était pas possible. Mmh. Peut-être que, de toute façon, lui, il est pas tout seul dans sa tête non plus. Non, bah, c'est ce que je te disais, ouais, hein, malheureusement. Il est pas tout seul, lui. Hein. De toute façon, ça, malheureusement, je dis malheureusement, suite à ces problèmes qu'il y a eu en étant jeune, quoi, c'est ouais. ça. Voilà. Donc, c'était ton... Voilà, Rammstein, Mailand. Rammstein. Alors, le prochain qu'on va s'écouter, c'est Ravageur. Ravageur. avec Burn the Cross. Donc, l'album s'appelle... Eradicate, Annihilated, Exterminate. Voilà, c'était tout voilà. dit en un seul titre. Voilà, je l'avais dit, hein, un peu agressif quand même. Hein. Oui. Voilà, on en profite aussi pour faire un petit coucou hein, une à Johan. À Johan qui nous regarde, guitariste de... Il est plus. Il est plus. Il était chez... Les Poodles. The Poodles, les caniches, voilà, un petit coucou, Joanne. Hello, Joanne. Voilà, ça fait plaisir. On va s'écouter, juste avant de retrouver encore un de tes titres, Sirens Veins. L'album s'appelle Chaos from a Distance. Et le titre qu'on va s'écouter, c'est Angel Child. Et on se retrouve après avec un de tes titres. Ok, pas de problème. Kick down on no way, sell it to the crows to smear to my heart. c'est Xandrier, symphonique métal allemand, avec le titre Call of Destiny. Voilà, donc... On entend bien que c'est du symphonique. Hein. Ah oui, tout à fait. Hein. Ouais. Voilà, bon, c'est pas trop, trop ma tasse de thé, comme vous le savez, mais bon, on en joue pour tout le monde. Bah, voilà. Disons qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien du voicis féminin. Ouais, hein. C'est ça, tout à fait. Et nous, on est gentils, on dit du voicis féminin, on dit pas du femelle. Car, voilà, nous sommes respectueux. Voilà. The Wild avec Living Free, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et l'album s'appelle Wild at Heart. C'est vraiment, vraiment une petite perle, ce titre qu'on va s'écouter. Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça, Sylvain ? Franchement, ça donne bien aussi, ça. Ça, ça bouge bien. Ouais, c'est The Wild avec Living Free. Et l'album s'appelle At Earth. Voilà, je vous l'avais dit. Hein. Ah, ouais. On est déjà à notre avant-dernier titre de cette soirée. Ça passe très, très vite quand on passe de la bonne zik. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié la bonne musique. On essaie un peu de faire pour tout le monde. Je sais bien que ce n'est pas pour évident. Pour tous les goûts, pour toutes c'est les couleurs. Voilà. Un menu découverte. Voilà. Et si, je rejoins Sylvain sur, si vous avez des petits groupes locaux de votre région ou quoi que vous voulez faire découvrir, n'hésitez pas à envoyer un mail à Rive d'Enfer ou aussi bien à Sylvain, si vous avez Sylvain dans vos contacts, ou moi, ou le slasher, et on se chargera de réceptionner, d'écouter, et pourquoi pas, peut-être faire, même essayer de faire venir le groupe ici, en studio, pour faire une interview ou un phoneur, voilà. Un phoneur, une interview. On peut faire aussi un peu d'acoustique. Voilà, tout à fait. Donc, on est ouvert à tout. Ouais. Nous sommes aware, comme dirait un compatriote. Voilà. Angel Martyr, c'est l'avant-dernier titre qu'on va s'écouter. L'album s'appelle Victime, non pas Victime de l'amour, ça c'est autre chose. L'album s'appelle Black Book, Chapter 1, et on se retrouvera après pour un dernier titre et vous dire au revoir. Ciao. Après le premier chant titre. Voilà, il est bientôt l'heure de se quitter, hein, oui, Sylvain. Ça y est, ça passe très vite. Hein. Ouais. Là, c'était Angel Martyr avec le titre Victime. L'album s'appelle Black Book. Celui qui me dit que c'est pas, ils sont pas inspirés de Maiden, c'est qu'il a les Portugais ensemblés, comme on dit. Hein. C'est que, à mon avis, il a beaucoup de sable dans les oreilles. Hein. Franchement, c'est très très pompé Maiden. Bon, si c'est leurs influences, tant mieux, parce qu'ils ont quand même un mérite de jouer. Hein. La basse aussi présente, les cordes fort près des Fred, tout ça. Ouais. C'est vraiment du son Maiden, quoi. Voilà. Alors nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Rive d'Enfer. Et oui, de nouvelles découvertes. Ce week-end, il y aura eu certainement. Quelque chose qui va se passer. Sûrement, d'ici là. On retrouvera le Slasher aussi, il sera parmi nous la semaine prochaine. Tu seras là aussi. Et oui. Voilà. Et moi, je serai là aussi. Donc voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour plein de bonnes choses, on espère. Et de plus en plus nombreux à être là pour au nous écouter. Au direct. Au rendez-vous, le direct. Voilà. Au live. Voilà. Allez, moi je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Sylvain, pareil aussi. Eh ouais. Soyez prudents sur la route parce qu'avec la pluie et les bourrasques de vent, c'est dangerous. Ah. Et on se quitte avec Angel. Non, pas Angels. Avec Anthony Cincianotti avec le titre Gaunt. Ciao les amis. Ciao, ciao, bye bye. Belong here anymore.